Chapitre 17e. Sans être avare, Vivien Pindroff estime sans contredit la richesse à un haut degré. À l'occasion, il dépense volontiers, mais il n'admet pas qu'on lui fasse tort d'un seul shilling. Ses fermiers le trouvent très dur. Il n'y a nulle compensation à attendre de lui lorsque la grêle, la foudre ou les inondations compromettent leur récolte. En vain, il l'assiège de leurs condoléances. Il ne veut jamais entendre à rien. « Je ne suis pas venu sur la terre, » dit-il, « pour supporter la mauvaise fortune des autres. » Il était possesseur d'une grande fortune en fonds de terre et en ardoisières. Ces dernières avaient été pour lui pendant des années comme des mines d'or. Mais depuis quelque temps, les revenus diminuaient sensiblement. Aussi, Vivien Pindroff arrivait pour la première fois de sa vie à mettre en doute la capacité de Marc comme homme d'affaires et à se demander à quoi bon tant de chevaux et tant de chiens. « Je ne puis imaginer d'où vient cette passion pour les chevaux, » dit un jour Vivien à son frère en le trouvant dans l'écurie occupé à discuter les mérites d'un jeune poulain avec le vétérinaire dont nous avons fait la connaissance à la taverne des armes du roi. « Vous êtes le premier des Pindroff qui a la passion des chevaux. J'espère du moins que vous ne pariez pas. » « On peut aimer les chevaux sans être un homme du turf, » repartit Marc. « Dans une thébaïde comme Pindroff Place, il faut bien trouver moyen de se distraire d'une façon ou d'une autre. » « Si tout ce que j'entends dire est vrai, vous vous amusez de plus d'une façon, » répondit brusquement Vivien en tournant les talons sur cette désobligeante observation. Barbara et Vivien étaient mariés depuis 2 ans lorsqu'eut lieu cette conversation. Madame Trevenock et Florence avaient fait, chaque année, un séjour à Pindroff Place. Mais à la seconde visite, Mademoiselle Pindroff avait esquivé le danger en quittant le champ de bataille avant l'arrivée de l'ennemi plutôt que de se trouver face à face avec Florence, et elle partit pour Bath afin d'y suivre, prétendait-elle, les sermons d'un prédicateur en vogue. Marc, en revanche, paraissait de plus en plus sensible au charme de Florence à laquelle il trouvait autant d'esprit que de naturel. Il lui donnait des leçons d'équitation et bientôt l'élève fut en état de galoper pendant 1 heure ou 2 dans l'intérieur du parc avec un professeur. Elle cherchait à le consoler de toutes ses infortunes en tant que maquignon, et cette compassion inspirait à Marc une reconnaissance très vive. Rien n'altérait la douceur de cette intimité, et chacun commençait à goûter un bonheur parfait à Pindroff Place, lorsqu'un de ces méchants oiseaux palmés qui traversent aussi bien la campagne que la ville s'abattit sur un certain cottage situé à Camelot. Dès que ce délateur se fut suffisamment fait comprendre, les leçons d'équitation et les promenades cessèrent immédiatement. Marc prétendit qu'il était retenu pour ses affaires à son logement de garçon fort tard, et il ne fit plus que de rares apparitions à Pindroff Place. « Sais-tu que la désertion de ton beau-frère se fait vivement sentir ?» dit Florence à Barbara. Dans tout autre endroit, son absence n'aurait probablement pas été remarquée, mais ici, étant seul de son espèce, nous perdons tout en le perdant. Un an se passe encore. Aucun enfant n'est venu égayer le foyer de M. et Mme Pindroff. Le ciel leur refuse ses douces bénédictions. Nulle allégresse maternelle n'est venue prendre dans le cœur de Barbara la place de l'amour absent. Son mari se renferme dans son orgueil comme dans une citadelle. Cependant, il n'a pas lieu de se plaindre, si ce n'est de la joie exubérante que témoigne Barbara quand sa mère et sa sœur viennent à Pindroff Place, et de la mélancolie excessive dans laquelle elle tombe après leur départ. On dirait une lampe qui s'éteint faute d'huile. On prétend qu'une bonne fille fait toujours une bonne femme. Ah, s'il en était ainsi, quel heureux mari je devrais être, se disait souvent M. Pindroff. Un jour, vers la fin du mois de mai, arrive la nouvelle de l'insurrection de Merhout. La rébellion ne prit pas tout à fait à l'improviste ceux qui connaissaient les ferments de mécontentement qui allait croissant toujours dans l'armée de la Compagnie des Indes. Mais la nouvelle éclata en Angleterre comme un coup de foudre. En lisant le récit de cette insurrection des troupes indigènes, Barbara tremble de trouver le nom de son bien-aimé parmi ceux des officiers tombés sous les coups de leurs soldats. Elle guette l'arrivée du facteur avec une fiévreuse impatience, tout en s'efforçant de cacher son anxiété à Vivien, qui aurait soupçonné bien vite le motif de ses émotions et de ses inquiétudes. Heureusement pour elle que Mademoiselle Pindroff ne sait rien du roman ébauché par Barbara et le capitaine Leland à la Villa des Roses. « Vous semblez prendre un intérêt bien vif à la guerre des Indes, » dit un soir Prissy à Barbara. Pendant que Vivien, de son côté, dînait à Launceston, Sa femme lit attentivement le Times au lieu de faire la conversation avec sa belle-sœur. C'est si horrible de penser au sort des femmes et des enfants qui tombent entre les mains de ces misérables. Que peut-on attendre d'autres, des hindous et des musulmans? Si on s'était d'abord occupé de les convertir, cela ne serait peut-être pas arrivé. Je ne crois pas, d'après ce que j'ai entendu dire, qu'il soit si facile d'en faire de bons chrétiens, murmure Barbara. Cela tient à ce que les vrais moyens n'ont pas encore été employés, repartit Mademoiselle Penrith avec autant d'assurance que si elle eût eu en sa possession un spécifique infaillible pour la conversion des fidèles. Barbara laisse tomber la conversation et continue sa lecture. Elle ne passe pas un mot, pas une ligne, pas une réflexion ayant trait aux affaires de l'Inde. N'ayant pas trouvé le nom du capitaine George Leland, elle adresse à Dieu des actions de grâce, mais la crainte s'est emparée de son cœur. Pour la première fois de sa vie, Barbara ne semble pas souhaiter la visite de sa mère et de sa sœur à Penrith Place. Elle remet, de mois en mois, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, l'invitation attendue. On arrive au premier jour du mois d'octobre, et quand la lune des chasseurs éclaire d'une lueur mélancolique le profil des montagnes, quand la saison du labourage est arrivée, quand la bruyère rougeâtre se fane et sèche, quand les travaux rustiques marchant aussi régulièrement que si une tragédie sanglante ne se jouait pas sous le ciel bleu des Indes, le nom si cher paraît dans les journaux. Le capitaine Leland, connu par sa bravoure et son énergie, bien que dernièrement victime d'une disgrâce, avait reçu l'ordre de lever un régiment de cavalerie irrégulière qui devint bientôt historique sous le nom de la troupe de George Leland. Il prit une part héroïque au siège de Delhi et la capture des trois princes, tigres à figure humaine, qui s'étaient signalés entre tous par leur cruauté lors du massacre des femmes et des enfants. George Leland, à la tête d'une poignée d'hommes, une centaine peut-être, s'était mis en marche vers la tombe d'Humayun, où se trouvaient encore 5 ou 6 000 soldats, serviteurs de la cour. Après de longs pourparlers, les princes s'étaient rendus sans condition. George Leland escortait avec quelques hommes le petit chariot du pays qui portait les trois princes. Bientôt, un flot humain furieux se presse autour du véhicule en brandissant des armes et en poussant des cris frénétiques. L'attitude de la foule devient de plus en plus menaçante. George Leland comprend alors qu'il n'a pas une minute à perdre et, à bout portant, tue les trois princes de sa propre main avec son revolver. Il n'y a pas dans l'histoire romaine de fait plus émouvant, plus héroïque, que la prise de la tombe d'Humayun. L'Inde rebelle n'a jamais reçu une leçon plus cruelle que celle qui lui fut infligée ce jour-là par un capitaine anglais, agissant sous sa propre responsabilité. Barbara lit ses lignes et frissonne à la pensée des périls et du courage de son bien-aimé. « Oh, mon héros, mon héros !» s'écrie-t-elle. « Quelle femme pourrait ne pas envier celle que vous aimez? Et vous m'avez aimé jadis d'un amour vrai, vrai comme votre épée, vrai comme votre fidélité à la patrie. » Tous les journaux parlent et reparlent de George Leland et renseignent le monde entier sur le passé de ce nouvel Achille. On apprend que lorsqu'il commandait un détachement de guides sur les frontières, on l'avait alors accusé de négligence dans l'administration de fonds qui lui avaient été confiés. Dans son empressement à prendre la succession de son prédécesseur, il ne s'était pas préalablement enquis de la situation financière qu'on lui laissait, et il s'était trouvé aux prises avec un désordre inextricable. N'ayant pu réussir à rétablir l'ordre dans ce chaos, un tribunal militaire avait été chargé de vérifier les chefs d'accusation qui pesaient sur le capitaine. Mais par une suite de machinations malveillantes, le rapport avait mis un an à parvenir au gouverneur général. Un second rapport, demandé par Lord Dalhousie, mais retardé par une intrigue, ne parvint encore à destination qu'après le départ du gouverneur général. Plus tard, deux généraux, qui étaient en même temps deux habiles administrateurs, ayant fait une enquête sur la comptabilité du régiment, démontrèrent la parfaite probité du capitaine et conclurent en rendant toute justice à son honneur, à sa droiture et à son zèle. Mais il n'en est pas moins resté 3 ans sous le coup d'un soupçon outrageant, remplissant une modeste position régimentaire et ayant perdu toute chance d'avancement. Blessé au vif par l'injuste accusation qui pesait sur lui, il se disposait à partir pour Calcutta afin d'y tenter un dernier appel à la justice, lorsque les chances de la guerre appelèrent inopinément à un poste important dans l'état-major du commandant en chef, l'officier disgracié. L'insurrection de Meerut fit donc regagner d'un bond à George Leland tout ce qu'il avait perdu. L'Inde était en feu. Un chef intelligent n'aurait pu renoncer au concours d'un homme d'une bravoure aussi reconnue que celle de George Leland. sa conduite avait prouvé que le poste auquel on venait de le nommer n'aurait pu échoir à des mains plus dignes et plus expérimentées. Le danger et les difficultés l'avaient rendu capable d'efforts surhumains. Son influence sur les soldats était prodigieuse. Sa présence parmi eux ranimait tous les cœurs. Tel était le major Leland de la cavalerie irrégulière, fameux maintenant de Kaboul à Calcutta, et dont les journaux racontent à l'envi les hauts faits. Barbara passe sa vie sous l'impression des correspondances de l'Inde publiées par les journaux. Elle n'a d'autres pensées, d'autres soucis. Elle tient maintenant la clé de l'énigme qui lui a fait perdre son bien-aimé, et elle sait du moins que le cœur de George Leland ne lui a pas été ravi. « Et ma lettre ?» se dit-elle en se frappant le front. « N'ai-je donc pas su lui dire clairement que je ne craignais ni la mauvaise fortune, ni la disgrâce, ni les orages ? Pourquoi cet acte d'abnégation suprême ? Partager avec lui le malheur, la misère, les fatigues eussent été encore préférables aux jours filets d'or et de soie qu'on passe à Penrith Place. » Le mois de décembre arrive. Mademoiselle Penrith part pour Plymouth et Vivien consent, ou plutôt se résigne, à la troisième visite annuelle de Madame Trevenoch et de Florence. Depuis quelque temps, Vivien semble ressentir l'indifférence de Barbara comme un affront auquel il n'était pas préparé. Prissy ne manque pas, il faut bien le dire, de jeter de l'huile sur le feu toutes les fois qu'elle en trouve l'occasion, non pas en formulant une seule accusation sérieuse contre Barbara, la calomnie eût été par trop révoltante, mais en répétant sur tous les tons à son frère « Si je m'étais marié, j'aurais voulu trouver chez mon mari autre chose que ce que vous avez trouvé chez votre femme. » Mademoiselle Penrith a enfin quitté la place, avec deux caisses grandes comme des voitures de déménagement et des cartons à bonnet destinés à faire tourner toutes les têtes de Plymouth et des alentours. Madame Trevenoch et Florence sont de nouveau installées à Penrith Place, mais le bonheur d'avoir près d'elles sa mère et sa sœur est impuissant à combattre ses préoccupations et les inquiétudes qui la dévorent. Les journaux se font l'écho de bruits qui annoncent le siège prochain de Lucknow. Puis ils contiennent le récit douloureux, jour par jour, des travaux de l'attaque et de la défense, ainsi que des efforts devant lesquels venait de briser l'indomptable énergie du général. Le héros qui, aux yeux de Barbara, représente tout ce que la terre peut produire de plus vaillant, semble avoir disparu de la scène où se joue cette terrible tragédie, ne sachant pas qu'il est avec son régiment en marche sur la ville assiégée, accomplissant en route des prodiges de valeur. Elle tremble de voir le nom du major Leland sur la liste des morts. Madame Trevenoch et Florence se font une loi de ne jamais prononcer le nom du major Leland devant Barbara. Elle détourne brusquement la conversation toutes les fois qu'il est question des affaires de l'Inde, bien que les pensées de tous les Anglais ne puissent avoir une autre direction. C'était à croire que Madame Trevenoch et Florence ignoraient l'existence de Campbell, de Havelock, et qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Lucknow. Un de ces crimes, qui semble un attentat contre la société tout entière, venait d'être commis. Florence en était particulièrement émue et ne parlait pas d'autre chose. Elle ne disait jamais mot de l'Inde, et lorsqu'on discutait les nouvelles en sa présence, elle rompait immédiatement les chiens par quelques questions de ce genre. « Croyez-vous que ce soit un espion ?»« Qui cela, Havelock ?»« Mais c'est le fils d'un constructeur de navire. »« Qui vous parle de Havelock ?»« Je veux dire la victime qu'on a trouvée coupée en morceaux dans un sac sur la grande route. »« Quel intérêt prenez-vous à ce meurtre, Florence ?» dit Vivien d'un ton calme. Puis il ajoute « Si meurtre il y a ?»« Comment si meurtre il y a ? Que vous faut-il, juste ciel ? Cela m'exaspère quand j'entends traiter ces choses-là légèrement. » Un crime non moins horrible a été commis dans ce pays-ci, il y a quelques années, dit Marc, comme s'il avait lieu d'être fier d'un pareil fait. Florence parut prendre le plus grand intérêt au récit de Marc, et toutes les fois que Vivien et son frère commençaient à parler de la guerre des Indes, elle les accablait de questions sur le crime en question, sur ses auteurs et sur les motifs qui avaient pu en être le mobile. Madame Trevenoch et Barbara se trouvant un jour en tête-à-tête, celle-ci se décida enfin à ouvrir son cœur. Il dit à sa mère, dans un élan de confiance, « Ma mère, je sais maintenant pourquoi George m'a rendu ma liberté. « Comment ?» répondit Madame Trevenoch d'un ton consterné. « Il ne vous a pas écrit, à coup sûr. « Non, mais il s'est conduit comme un héros, et son nom remplit les journaux. « Il a été calomnié. « Son honneur et sa probité ont été injustement attaqués, froissés par l'injustice dont il était la victime, sans espoir d'avenir, C'est alors qu'il m'a écrit pour me dire que tout était fini entre nous. Vous savez que dans ma réponse, je lui disais que je lui serais fidèle, dans la mauvaise comme dans la bonne fortune. Je lui disais... » Elle s'interrompit en sanglotant, et Madame Trévenoc mêla ses larmes à celles de sa fille. « Mais, ma chère enfant, » dit Madame Trévenoc, en pleurant aussi, « pensez donc à ce que la Providence a fait pour vous et pour moi. Que serais-je devenu si vous étiez dans l'Inde? Je serais morte d'inquiétude, de tourments, d'angoisse, en attendant vos lettres. Maintenant, vous êtes dans une position non seulement tranquille, mais brillante. Vous êtes une des femmes les plus riches de Cornouailles. Vous avez vos chevaux, votre landau, votre panier, vos poneys, tout ce que peut offrir la fortune. Ma mère, je vous en supplie, épargnez cette nomenclature de mes joies, de mon bonheur. Ne me félicitez pas, non, vraiment, c'est trop cruel. »